Exercice 5. A. Public. Poubelle. Bipé. Plombier. B. Entendre. Attendre. Étudier. Éditer. C. Grec. Congo. Cagoule. Congrès. D. Favori. Février. Vérifier. Fièvre. E. Brevet. Valable. Bolivien. Bravo.